au podcast de Boulevard Brutal. Aujourd'hui à l'émission, on vous donne notre avis sur le nouveau disque de Metallica. On vous parle aussi de l'adaptation au cinéma du livre Black Metal, Lords of Chaos. On vous explique pourquoi Corey Taylor de Slipknot désire faire la paix avec Rick Rubin. Et il y a Kerry King qui révèle avoir été offensé par l'étiquette punk de The Offspring et Green Day dans les années 90. Hey, on remonte à loin. Toi, dans les années 90, mon Steve, là, je veux dire... Bon, forcément, t'étais plus jeune, mais t'étais quand même... T'étais pas là dans le grunge, t'étais dans le métal quand même. Je te disais que j'étais dans les deux. J'ai jamais lâché de métal, mais j'avais un band de cover grunge. Ouais. On jouait du Alice in Chains, du Tool, du Pearl Jam, toutes ces affaires-là. Ah ouais, hein? Ah, c'était quand même une belle époque, je trouve. En tout cas, Kerry King a eu bien la misère avec cette époque-là. On va en revenir tantôt. Mais là, c'est notre podcast. Écoute, ça fait seulement même pas une semaine que le nouvel album de Metallica est sorti. Enfin. Enfin, oui. Hardwired to Self-Destruct. Puis je me souviens, au dernier podcast qu'on a fait, on avait entendu des extraits. On était tout excités. Ben, comme des jeunes fillettes. Hein? Hey, c'était fou, mon gars. On était là, on revivait les belles années de Metallica. Puis là, écoute, là, l'album est finalement sorti. Moi, j'ai reçu mon vinyle aujourd'hui. J'ai pas encore eu le temps de l'écouter. Moi aussi, je l'ai développé tantôt, là, mais j'ai pas écouté encore comment ça sonne en vinyle, mais je l'ai. On le sait déjà que sûrement que ça sonne bien parce que, de ce qu'on a entendu, la production était quand même au rendez-vous, là, t'sais. Ouais, s'il était bien masterable le vinyle, oui. Exactement. Fait que là, écoute, il y a une petite affaire que je voulais dire, justement, un bel addon, c'est que, imagine-toi donc qu'on enregistre le podcast aujourd'hui. En ce moment même, il y a In Flames pis Elliot qui joue au Metropolis. Et puis on manque ça, tabarnak. On manque ça, mais je savais que en le faisant en même temps, c'était un signe, tu sais, il y avait une chimie spéciale qui était pour s'installer. C'est la magie du Black Friday. Fait que là, moi, je veux savoir, OK, parce que quand même, il y a eu une mise en marché assez incroyable du nouvel album de Metallica. Là, je voulais savoir, toi, t'es-tu écœuré d'en entendre parler premièrement? Ben, on entend parler pas mal, hein? Puis je te dirais que même ici en région, il y a de la pub à la radio, man. Ben, c'est certain, mon gars. Il y a peut-être même des pubs télé, parce que je sais qu'ils ont fait une pub télé pour promouvoir ça, cet album-là. Ah, ça se peut, je le regarde pas beaucoup, mais à radio, je l'entends. Mais c'est normal, là. Écoute, c'est tout genre confondu l'album le plus entendu. C'était l'album le plus attendu de 2016, on s'entend. Fait que là, écoute, moi, je voulais savoir qu'est-ce que t'as pensé pour commencer, OK, de la mise en marché, la stratégie avec les 13 clips pour promouvoir l'album. Je trouve ça très cool. C'est le fun. Il y en a quand même là-dedans qui sont vraiment hot, là. Ça se promène quand même pas mal au niveau créativement parlant. Ça se promène vraiment d'un bord à l'autre. Ben, ils ont travaillé avec plein de gens différents. Puis, écoute, moi, je trouve que ça donne un résultat super. Honnêtement, là, le clip, même si j'aime pas la toune, là, mais le Men on Kind, le clip est vraiment cool. Il y en a qui sont offensés par ça. Moi, je comprends pas. Tu sais, c'est juste drôle. Puis en même temps, ben, ça te donne une idée de quoi va avoir l'air Lord of Chaos, qu'on va parler un peu plus tard. Ben, c'est ça, exactement. Écoute, moi, aujourd'hui, j'ai fait un petit exercice de calcul. Puis là, j'ai calculé ça, les 13 clips combinés, il était rendu à 59 millions de vues, toute la gang ensemble. Ah, yo, imagine-tu, toi. Fait que quand même, tu sais, puis c'est drôle parce que il y a des gens, moi, que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux qui me disaient, Chris, what the fuck, faire des clips en 2016, il n'y a plus personne qui écoute des clips, mais c'est parce qu'ils n'ont pas catché que c'est une autre stratégie aujourd'hui de owner YouTube, tu sais. Absolument, puis Cataclysm avait fait ça pour le dernier album aussi. Ben exactement, puis là en plus avec Metallica, on est à un autre niveau en plus. Ça veut dire que si toi, mettons, t'es un average dude, t'écoutes un peu de métal, tout ça, tu te promènes sur Internet, t'écoutes une vidéo sur, sur YouTube, il y a bien des chances qu'ils te le proposent dans la barre de droite. Absolument, tu sais. Absolument. Radiohead ont fait ça, le dernier album aussi. Toutes les tunes ont un clip. Je pense à la nouvelle Trump, mais j'imagine que ça doit coûter assez cher. Ça doit avoir coûté quand même assez cher, parce que tu vois le clip de Murder One, le clip hommage à la tune hommage à Lemmy, tout en illustration, mon gars, la grosse direction artistique. C'est de toute beauté, sérieux. C'est vraiment du gros, gros travail. C'est sûr que tu as eu les clips comme Hardwired ou des clips comme ça, parce que c'est vraiment juste le band, puis on l'a vu. Ça en prenait aussi, c'est le fun de les voir performer aussi. Ouais, c'est ça, exactement, tu sais. Puis là, ben, c'est un petit peu plus. C'est une production un peu plus simple, mais. J'aime beaucoup celui de Lords of Summer, je le trouve super efficace. Tu vois la préparation d'un show, puis ça, puis la toune est crissement bonne. J'en parlais dans ma critique hier, pourquoi qu'elle n'est pas sur l'album? Là, il y a des affaires qui me rentrent pas dans la tête. Ouais, j'avoue, hein, finalement. Finalement, Lords of Summer, tu vois, une toune que toi, tu détestais au plus haut point. Hey, j'ai-tu ri de cette toune-là? Je pense que j'ai ri de cette toune-là sur tous les podcasts qu'on a enregistrés. Mais tu vois, cette toune-là, c'est une surprise de l'album, dans le fond, qui se retrouve sur la version Deluxe. Mais quand tu me l'as fait écouter, je pensais que tu me niaisais. Je sais. Mais ils l'ont vraiment refaite, tu sais. Ils se sont donné la peine de la refaire, puis de la retravailler, puis ils ont pris un peu de recul, puis ils se sont dit, ouais, on va arranger des affaires, tu sais. Ce qu'il aurait dû faire avec d'autres tunes sur l'album, là, honnêtement, mais en tout cas. Mais ça, c'est une autre histoire. D'emblée, OK. Là, c'est sûr, toi, t'as fait ta critique sur le site, sur Boulevard Brutal, t'as donné un 6 sur 10. Oui. Puis je te dirais que moi, j'arrivais pas mal à cette note-là aussi. J'étais à 6.5, 6. Ben, c'est ça. Tu sais, je faisais le calcul, les bonnes tunes versus les mauvaises, celles que je retrancherais, tu sais, et ça me donnait pas mal 6 sur 10. On arrive pas mal à ça. Puis toi puis Alex, vous avez fait vraiment une super job, vous avez fait des bonnes critiques. Finalement, vous pensiez vous faire lancer des tomates, mais la plupart des gens sont très d'accord avec vous autres, fait que finalement... Oui, les seuls qui sont pas d'accord avec moi, c'est ceux-là qui disent que Slayer, c'est meilleur que Metallica. Mais tu vois, moi, je pense que... Moi, je serais quasiment d'avis que le dernier de Slayer, Repentless, est plus égal au niveau qualité que le dernier Metallica. Ah! Non, non, non. Au niveau de l'authenticité, mais les bonnes tunes du nouveau Metallica sont meilleures que les bonnes tunes de Slayer, mettons. On pourrait le voir de même. Parce que, tu sais, il n'y a pas vraiment de highlight sur le Repentless. Tu sais, c'est des tunes pas mal toutes égales. Ben, il y a Repentless. Égale plate, là. Ouais, ouais. Mais. c'est mon hommage à Bruno, ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Moi là, dans le fond. T'sais, mettons qu'on reprend ça du début, de qu'est-ce qui s'est passé avec Hardwired. T'as les gens qui sont super contents pis tout. Pis t'as les gens comme nous autres qui sont comme... T'sais, ils donnent un 6 sur 10 ou un 6.5 sur 10. Donc, on considère qu'un petit peu plus que la moitié de l'album est bon. Pis encore là, t'sais, on est généreux parce qu'en vrai... On aime à peu près la moitié de l'album, tu sais. Ouais, exactement, mais c'est parce qu'on était tellement crinqués, puis les extraits qui sont sortis étaient tellement bons, puis étaient tellement heavy, que je pensais que le reste de l'album allait être comme ça. Tu sais, je me suis senti comme quand j'étais flow, puis tu rencontrais une fille, puis qui était padée, puis t'arrivais, puis... T'étais déçu. Tu découvrais, OK. T'as resté marqué pour ça. Ah, je te comprends. Mais, tu sais, c'est quand même pas un hasard quand tu y penses, tu sais, qu'ils ont sorti Hardwired, ils ont sorti Moth Into Flame, puis Atlas Rise. Puis c'est les trois tunes qui, présentement, ils font en show pour faire la promotion aussi, tu sais. Ouais. Puis j'ai lu beaucoup de critiques, tout ça, Spit Out the Bone, les gens l'aiment beaucoup aussi. Qui est un peu dans le même genre, d'ailleurs. Mais effectivement, ce qui est arrivé, c'est que quand ces tunes-là sont sorties, ça avait beaucoup de muscles. T'avais des... Ça respirait un petit peu le Black Album, le Trash, ces affaires-là. Puis on se disait, oh my God, c'est donc bien... C'était un beau retour, tu sais. Tu sais, moi, c'était 3-3, les extraits. J'étais comme, wow! Hein? Ah, moi aussi, j'ai trippé all the way. Puis là, quand l'album est sorti, on a commencé à écouter ça. Puis là, ça sentait le load, tu sais. C'était bizarre parce que... T'avais comme un retour en arrière, des espèces de riffs un peu bluesy, puis du chant un peu lyreux, là, tu sais, de James Hetfield. Oui, vraiment. Puis ça a été surprenant parce que moi, j'avais l'impression que, après l'expérience de Death Magnetic avec, avec Rick Rubin, ils avaient comme reconnecté un peu avec le passé. Puis je m'étais dit, ils reviendront plus jamais, tu sais, à l'époque de Load puis Reload avec une espèce de vibe un peu bluesy, tu sais. Ouais, moi aussi, ça m'a vraiment étonné. C'était ma première écoute, j'ai vraiment fait le saut. J'étais vraiment déçu. J'étais comme, waouh, toute une claque dans la face. Là, je le réécoute quand même, j'ai écouté plusieurs fois. Puis j'ai fini par y trouver quelques qualités quand même. Dont Halo on Fire, que je trouve vraiment écœurante. Ah ouais, moi, je suis pas capable. Ouais? Non, je l'aime pas. Ouais, moi, je la trouve vraiment bonne, cette toune-là. Là, je trouve que, tu vois, cette toune-là, je trouve que c'est une... J'aime le dernier 2 minutes, où ce que je trouve que ça me rappelle un petit peu une finale de balade à la Fade to Black, tu sais, où ce que... T'sais, c'est comme une espèce de power ballade qui finit sur un high, tu sais, mais je trouve qu'avant ça, c'est un peu raté. Je sais pas, c'est pas complètement mauvais. Ou, tu sais, une autre affaire qui me gosse, tu sais, le début de Confusion, tu sais, c'est comme une espèce de riff à la Eye of the Beholder, tu sais. Ouais, ouais, c'est... Tu sais, puis... Là, après ça, ça chute de tempo, mon gars, une affaire effrayante. Ouais, tu sais, puis ça, c'est dans toutes les tunes. Il y a tout un bout dans chaque tune où ce que t'as vraiment Christy de bon riff, mais ça s'enchaîne mal. Tu sais, il y a vraiment, c'est ça que j'en parlais dans la critique, mais il y a vraiment un problème à ce niveau-là, où ce qu'ils sont pas capables d'enchaîner des riffs comme du monde. Il y a... Je sais pas, ça a pris 8 ans à sortir ça. Mais l'affaire qui arrive aussi, c'est, tu sais, on se dit ça a pris 8 ans à sortir ça, mais pour vrai, moi, je pense que ça fait juste 2 ans qu'il travaille là-dessus. Là. Ouais, à mon avis, oui. Tu sais, il travaillait sur d'autres projets, il faisait de la tournée, puis ça, puis l'album, il travaillait pas dessus, là, tu sais. Puis t'as Kirk Hammett qui a perdu son téléphone en plus. On saura jamais si ses idées étaient merveilleuses, parce que ça, c'est une autre affaire, je l'ai demandé. Tu penses-tu que... Parce que là, il y a 0 crédit sur l'album. Zéro. Il était en crise un peu aussi, il le dit. T'sais. Ouais, mais tu penses-tu justement que c'est Hetfield et Ulrich qui ont voulu lui donner une leçon puis qui ont mis 0 crédit par exprès? Ou c'est eux autres qui ont volé son téléphone? Ouais, le riff de Confusion, c'est peut-être le riff à Kirk Hammett, on ne sait pas. Tu sais, Kirk Hammett, c'est quand même lui qui a écrit le riff d'Enter Sandman. Non? Non, moi, je pense qu'il est capable d'écrire des super riffs, mais en même temps, je pense pas non plus que de perdre ton téléphone avec tes idées, ça t'anéantit à tout jamais. Là. Ben non. Puis, une autre affaire, ces gars-là ont un des meilleurs bassmen au monde dans le band. Tu sais, quand j'étais kid, puis j'écoutais du Suicidal Tendencies, Infectious Groups, écoute, tu l'entendais à Trio, là. Tu l'entendais facile sur ses cordes. Puis, tu sais, Christy de Bobaseman. Puis, avec Metallica, il est totalement sous-utilisé. Ouais, j'avoue. Ben, j'ai l'impression que. Je sais pas, hein. Tu sais, ils l'ont dit, hein. C'est vraiment Hetfield et Ulrich qui se sont mis ensemble. Ils ont pris le contrôle de cet album-là. Puis, si on connaît pas non plus les insides, tu sais, de cette band-là. Tu sais, c'est quoi le rapport avec Trio? C'est quoi ces. C'est bien dur, tu sais, de savoir c'est quoi son input, c'est quoi son réel input. Tu sais, à un moment donné, il y a bien du monde qui chialait, tu sais, que Jason Newsted avait très peu de crédit dans Metallica, tu sais. Mm-hmm. Tu check finalement les tunes sur lesquelles il y a du crédit, tu sais, à part My Friend of Misery, tu sais, qui est une tune que j'aime beaucoup. Il n'y a à peu près rien fait, mais le pire, c'est que je suis même pas sûr qu'il a apporté tant que ça du bon stock, tu sais. On l'a vu par après avec son projet solo, tu sais. Est-ce que vraiment il a apporté du matériel de qualité ou ce que Hetfield a écouté ça puis il a fait comme ouais ça c'est bon, Chris, on met ça, man. Ouais. Je sais pas, tu sais, jusqu'à quel point les gars amènent du stock de qualité, puis encore là, je veux dire, ça dépend des c'est qui juge de ça, mais ben je pense qu'il écrivait beaucoup avec Flotsam and Jetsam, puis le premier album était bon. J'ai comme l'impression peut-être aussi que tu sais Hetfield puis Ulrich prennent beaucoup de place, puis peut-être que les gens qui gravitent autour ont peut-être pas tendance à vouloir être super créatif, ils ont peut-être pas la place non plus pour se, je sais pas, extérioriser leur création. Là, on saura jamais vraiment. Ben écoute, moi, si j'avais la paye qu'ils font avec Metallica, I would take the money and run. Parce que, tu sais, en général, là, tu regardes tu sais, Kirk Hammett, il a toujours eu environ 5 à 6 crédits par album. Oui. Tu sais, même sur Load, là, il y en a 6. Tu sais, sur Justice, il y en a. Sur le Black Album, il y en a. Ouais, là, je sais pas si c'est une leçon qu'ils ont voulu lui donner, mais il y en a pas. Ben, surtout qu'il est sorti des médias avec ça aussi, tu sais. On ne sait pas, là, c'est peut-être Ulrich a peut-être pété une coche et dit « Hey man, tu ne fais pas ça des astis de couillons là, avec ton astis de cellulaire de 250 idées. Là, regarde, tu vas prendre ton trou, tu vas faire les solos, puis fuck you, va faire du surf, là, tu sais. » Contente-toi d'avoir des solos, au moins. Fait que tu vois, moi, je pense que ma pire toune de l'album, c'est « Man on Kind ». Ouais. Je trouve que ça sonne vraiment goofy, là. Ça me fait penser à des tounes, là. Les pires tunes de Load, mais sans le côté country, à Ronnie puis à Poor Twisted Me, là, c'est vraiment... M.I. Savage est dur à battre. Ouais, aussi. C'est juste qu'avec les nouvelles tunes sur Hardwired, j'ai comme l'impression que c'est des tunes de Load, mais sans le côté country, tu sais. Ouais. C'est plus... ça a un côté un petit peu plus Sabbath, tu sais. Petit côté ouais. Un petit peu plus heavy metal doom, tu sais, un peu plus... Un petit peu plus musclé, mais pas pour autant meilleur. Non, en tout cas. Tu sais, tu disais c'est un grower, mais tu sais, ça prend du temps. Hein, tu sais, ces tunes-là, moi, en tout cas, ils n'ont pas encore atteint la cible dans mon cas. Est-ce que ça marche, la synergologie? J'ai comme l'impression que, moi, quand je fais une écoute vraiment où ce que je me concentre, là, j'embarque pas dans les tunes, mais si je le fais jouer, mettons, chez nous, dans un speaker, puis que je fais d'autres choses, quand arrivent les tunes que j'aime un peu moins, ça passe quand même dans le mix, mais il y a une partie de l'album, là, surtout tout le quasiment tout le deuxième disque, en fait, là, sauf Spell Out the Bone. Là, tu trouves un petit peu plus le temps long, mais il y a une couple de passes avec, tu sais, comme dans Confusion, comme je te dis, le riff, je l'aime beaucoup. Il y a une couple d'affaires que j'aime, mais ça lève pas, hostie. Mais tu sais, en tout cas, pour conclure ça, moi, je te dirais, s'il avait fait un album de 40 minutes, on aurait vraiment crié au génie, puis ça, c'est vrai. S'il avait gardé les vraies bonnes tunes, parce qu'il y en a quand même des bonnes, cet album-là, s'il avait gardé seulement celle-là, ça aurait été le meilleur album depuis le Black Album. Totalement. Je suis bien d'accord. Puis d'ailleurs, moi, j'ai une hypothèse, puis ça, il n'y a pas personne qui a avancé ça nulle part. J'ai une hypothèse pourquoi ils sont revenus à ce son-là. OK. Là, tu sais, dans le fond, ils ont fait Load en 96, ils ont fait Reload en 97. Mm-hmm. Après ça, t'as tout eu le temps où ils ont fait S&M, puis ils ont fait d'autres affaires. Puis après ça, ça a été comme presque la fin du band au début des années 2000. Ils ont fait Saint Anger. Après ça, ils ont fait Death Magnetic. Puis pendant toute cette période-là, donc tout le temps, dans le fond, pendant 16 ans, 17 ans, quasiment 18 ans, ouais. Ils ont pas retouché à cette espèce de son un peu bluesy, un peu old school qui était familier avec Load puis Reload. Ouais. Mais si tu regardes qu'est-ce qui s'est passé entre 2008, Dead Magnetic, puis la sortie du nouvel album, ils ont fait, en 2011, ils ont fait Lulu. Oui. En 2012, ils ont fait un cover de Deep Purple. Excellent d'ailleurs. Qui est excellent. Mais on s'en va dans des territoires, tu sais, un petit peu plus bluesy. Puis, en 2014, ils ont fait le medley pour Ronnie Rising Medley. Ouais, c'était cœur, hein, ça, d'ailleurs. Ouais, mais t'écouteras des affaires, man. T'écouteras... Tu sais, c'est toutes des tunes de Rainbow. T'écouteras la tune Stargazer. Mon gars, c'est une tune qui pourrait être sur l'autre, cette affaire-là, là. Ouais. Ils ont comme, fait que tu sais, on dirait qu'ils ont comme, ils ont retouché un petit peu à du vieux stock là, tu sais, qui, tu sais, ces gars-là en même temps, c'est pas des trashers 24 heures sur 24 là. Non. C'est des gars qui aiment Rainbow, qui aiment Deep Purple, qui aiment Thin Lizzy, qui aiment du vieux stock. Des bands que j'adore aussi, surtout Rainbow. Ouais, mais tu sais, c'est ça, des affaires un peu plus bluesy, un peu plus. Fait que moi, j'ai l'impression que le fait de retourner là-dedans après ça. D'aboutir à la création du nouvel album, ça les a replongés, mon gars, dans leurs vieilles pantoufles. Absolument. C'est très possible. Moi, c'est ça que j'ai comme feeling. Puis vois-tu, on saura jamais qu'est-ce que ça aurait été avec un autre producteur, parce que je suis d'accord avec toi que c'est la job d'un producteur d'enligner un band, tu sais, puis de les aider à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Mais toujours faut-il que le band veuille, tu sais. Au final, le client, c'est qui, tu sais? C'est le band. Ouais. Tu sais, je pense qu'eux autres, ils ont besoin d'un yes man qui tourne les pitons puis qui fait sonner ça, quel Chris. Mais, tu sais, ton input, gardé pour toi, t'sais. On saura jamais, d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé en studio avec Greg Fiddleman. T'sais, ça se peut bien que Greg Fiddleman, un moment donné, il a pété sa coche puis il a dit « Hey, les gars, c'est ben trop long. Ben non, ça marche pas. Vous voulez pas faire quelque chose de plus élevé? » Puis peut-être que les gars se sont retournés et ont dit « Hey, check, man, on va prendre ton input, mais il y a un bout que tu vas faire ta job aussi, tu sais. » Oui. C'est tout le temps ça dans le domaine de la production et de la réalisation. Au final, c'est le client qui paye puis c'est le client qui décide. Est-ce que tu te souviens, Bob Rock avait pas mal plus d'input que ça, tu sais. Il lui faisait travailler et tout, puis c'était quasiment... il torturait quasiment le studio, là, tu sais. C'est ça un réalisateur, tu sais. Il va prendre des décisions pour aller au-devant du band, pour dire, garde, prenez un peu de recul sur votre produit, là. Faut faire ça de telle façon, tu sais. Mais il devait être gelé en crise quand ils ont fait Sanninger, est-ce que... Ben ouais, ça s'est demandé, hein. Comment tu peux faire le Black Album, puis après ça, tu peux faire Sanninger, tu sais. Ils suivent pas, mais il y a une crise de différence entre les deux. Ah, c'est un statement, hein? Hey, on a parlé tantôt du clip de Mankind. T'en as parlé un petit peu, toi, que c'était, dans le fond. Ça l'a choqué un petit peu les black métalleux. Oui. Parce que quand le clip est sorti, dans le fond, le clip de Mankind, qui est crissement pas une toune inspirée du black metal ou whatever. Vraiment pas. Mais ce qu'on voit dans le clip, c'est un vieux band black metal. I was flabbergasted. Qui performe avec un gars qui sauve les veines. I was flabbergasted. Puis tout le kit, tu sais, avec des têtes de cochon sur des pics, puis tout. I was flabbergasted. Et qui respire un sac avec un animal mort dedans avant d'entrer sur scène, tu sais, c'est vraiment mayhem. Puis là, on a eu un peu cette réaction-là de dire, ah, ça ressemble un peu, c'est inspiré de mayhem ou c'est inspiré de vieilles affaires. Puis finalement, on s'est rendu compte que le clip était réalisé par Jonas Åkerlund, dans le fond, qui est l'ancien batteur du groupe Battery. Oui, absolument. Puis lui, c'est le réalisateur qui va faire Lords of Chaos, qui est un livre sur le black metal norvégien du début des années 90. Qui est déjà un livre controversant en partant, parce que, évidemment, tout le monde a une petite version de l'histoire du black metal, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis les gens aussi qui ont... Moi, j'ai pas eu la chance encore de lire ce livre-là. Toi, tu l'as-tu lu, toi? Quelques extraits seulement. J'ai pas eu la chance de me le procurer. C'est dur aussi de lire une histoire aussi tragique que ce qui s'est passé en Norvège au début des années 90 avec des suicides, des meurtres, des églises brûlées. Tu sais, on est dans du hard stuff. Ah ouais, c'était débile. Tu sais, c'est sûr que dans... Il y a du jus pour faire un film de 2 heures, sans problème. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, t'as Satyre puis Frost de Satyricon, qu'eux autres, ils disent que c'est un très mauvais livre parce qu'eux autres, ils connaissent un petit peu plus l'histoire de proche, puis ils disent que c'est une histoire qui est pas... le livre est pas véridique, en fait. Oui, ouais, ça, c'était les deux plus virulents là, sur ce livre-là. Et puis... t'as le gars de Dark Throne aussi qui veut que ce soit Reese Witherspoon qui fasse son rôle dans le film. Renzen, tu sais. C'est un drôle de gars, ça. Il est comique, ce gars-là. Il est vraiment... Fenris de Dark Throne, là, c'est un petit personnage. Ça. J'ai dit Fenris, ouais. D'ailleurs, le dernier Dark Throne est excellent. Oui, excellent. Les influences de Celtic Frost là-dessus, c'est débile. Ah, c'était cœur, hein. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, il y a bien du monde qui se disent, ce livre-là, qui est paru en 1998, puis qui est ressorti après ça en 2003 avec un 50 pages de plus, ouais. C'est déjà un mauvais livre, donc forcément, ça va être un mauvais film, tu sais. Mais tu sais... Moi, j'ai peur qu'il fasse un Twilight avec cette histoire-là, tu sais. Ah, je pense pas, man, parce que le réalisateur, là, Jonas Åkerlund, c'est un gars qui est quand même groundé, là, tu sais. Ouais. Oui, il a fait des clips pour des pour Madonna ou pour du monde mainstream, mais je pense que, tu sais, il tourne en ce moment le film, il tourne en Norvège, il tourne dans les mêmes rues, il tourne... Apparemment, les décors et tout, là, ça va être vraiment fidèle. Non? je pense que ça va être... Je pense que ça va être quand même intéressant, tu sais, c'est que ce que les gens... Ce que les gens très proches de l'histoire puis du black metal ont peur, c'est que qu'ils en fassent un esti d'affaires qui a pas rapport, tu sais. Une parodie, tu sais. Une espèce de mauvaise parodie, puis que le monde dise, hey, le black metal, c'est une gang de clowns, puis t'as l'autre qui s'est suicidé, puis l'autre, c'est qui vague qui a tué l'autre, puis ça va avoir l'air d'une crise de joke, tu sais. Mais moi, je suis quand même très intéressé de voir ce film-là, parce que, tu sais, veux pas, on la connaît un peu l'histoire, mais tu sais, de le voir comme ça en vie, ça va être intéressant. Ouais, j'ai bien hâte de voir ce que Varg va dire de ce film-là. Eh yeah boy, ouais. On se rappelle que Varg, Varg, dans le fond, lui, il a tué Euronymous de Mayhem. De plusieurs coups de couteau. Puis lui, Euronymous, dans le fond, il avait formé un espèce de cercle bien obscur. Puis il se rassemblait tout dans son magasin de disques. Oui. C'est quasiment un script. C'est un genre de gourou, Euronymous, d'après ce que je comprends. Ouais, ben c'est ça, il avait réussi. Lui, dans le fond, il avait une vision très pure du black metal norvégien. Il avait comme une espèce de projet. Puis, il a réussi à rassembler autour de lui toutes sortes de monde qui étaient vraiment assez extrémistes dans cette vision-là. Oui. Puis, ils se rassemblaient tous au Hell VT, dans le fond, à son magasin de disques à Oslo. Puis, il y a plein de photos de ça encore sur Internet. Il y a plein de monde qui s'en vont faire des pèlerinages là-bas. Ils prennent des photos devant le mur qui était écrit black metal sur le mur. Puis... Ben oui, quelle période capotée quand même. Ah, c'est capoté. Mais on va sûrement voir le suicide aussi de Dead, qui était le premier chanteur de Mayhem. Toute une affaire. Puis les gars qui sont fait un necklace avec ses morceaux de cervelle. C'est vraiment, là, wow. Ben oui, il s'est pris des bouts de crâne, ouais, pour se faire un collier, mais il a aussi pris des bouts de cervelle pour la faire cuire puis en manger. Ouais. Des hosties de fucking, man, ces gars-là. Tu sais, t'arrives chez vous, ton coloc s'est suicidé. Hey, va me faire un beau petit collier. Tu prendrais-tu un steak haché avec ça? T'sais, ah ouais, prends la cervelle, on va se faire cuire ça. C'est complètement débile. Là. On va être malade dans la tête à l'hostie. Ben ouais, puis d'ailleurs, quand il a trouvé son chum, qui s'était tiré une balle dans la tête. Ils l'ont pris en photo. Puis c'est une pochette maintenant, cette photo-là. Ouais, d'un hippie. De toute beauté. Pas écoutable d'ailleurs, j'ai écouté ça aujourd'hui. Là. Tabarnak, mon gars, c'est pas bien bon. Ouais. Ben, tu sais, c'est le black metal de l'époque, là, tu sais, on s'entend, là, on est très loin de Behemoth, là. Ouais, évidemment. Tu sais, t'écoutes The Mysterious Dame Satanas aujourd'hui, c'est spécial, tu sais, c'est. C'est un album culte, mais c'est le black metal ressemble plus vraiment à ça maintenant. Non, c'est ça, là. Puis il y en a bien d'ailleurs qui ont cette critique-là que c'est ça l'a plus... Il n'y a plus aucun black metal qui est authentique, tu sais. Mais maintenant, là, c'est, tout évolue, tu sais. Non, c'est sûr, la musique évolue, puis il y a même les gens qui évoluent. Et ça nous amène vers notre prochain sujet que Corey Taylor... a changé d'idée un peu à propos de Rick Rubin. Ben oui, toi, tu l'avais-tu ramassé par après qu'il ne retravaillerait plus jamais avec, puis qu'il était jamais en studio, puis c'était justement Corey Fiddleman qui faisait tout. Ah, il te l'avait varlopé, mon gars, ça c'est Mais c'est pas le premier à dire ça. Mais Rick Rubin, lui, quand il arrive, il écoute la musique, puis il dit, OK, ça c'est pas bon, ça refait ça, moi je ferais ça de même, bang. Et lui, il tourne aucun piton, là. Lui, il est là pour donner son avis au band. Ouais, c'est ça. Lui, Corey Taylor, il disait que il venait 45 minutes par semaine. Il se couchait sur le divan. Il avait ses lunettes soleil. Il se faisait approcher un micro proche de la bouche pour pouvoir parler au band. Puis là, il dit « OK, fais-moi jouer ça. » Puis lui, Corey Taylor, ce qu'il disait, c'est qu'il dit « Moi, il dit à l'époque, et j'aurais eu besoin d'être dirigé, j'aurais eu besoin d'avoir comme une relation avec mon réalisateur, tu sais. » Puis lui, c'était pas ça avec Rick Rubin, tu sais. Non. Puis à ce moment-là, tu sais, probablement qu'il y a des gens aussi qui l'ont peut-être mal conseillé quand ils ont décidé de prendre Rick Rubin comme producteur. Il aurait dû avoir quelqu'un qui dise « Ben, yeah, Rick Rubin, c'est un bon producteur, mais attendez-vous pas à ce qu'il vous prenne par la main, tu sais. » Non, mais tu sais, Je pense qu'il y a eu deux Rick Rubin. Tu as eu le Rick Rubin de Ring and Blood, License to Heal de Beastie Boys. Tu as eu ce Rick Rubin-là et la machine qui est devenue Rick Rubin, qu'il était juste là pour la forme. T'sais. Ouais, c'est ce que j'ai compris moi aussi. C'est ce que j'ai compris, puis peut-être que jusqu'à un certain point, il a peut-être ambitionné aussi avec son statut, tu sais. À un moment donné, il est comme devenu plus grand que nature, puis il se présentait dans une place, il se couchait, man, sur le divan. Tu sais, c'est comme, reste debout, esti, promène-toi, fais de quoi, esti, t'es pas obligé de vivre comme un itinérant, man, avec tes lunettes, puis couché sur le divan à dire, ah, fais-moi jouer ça, puis, tu sais, ben, active-toi un peu. Pis j'ai l'impression que c'est ça qui a déçu Taylor puis probablement d'autres artistes. Parce que Kerry King a dit que le seul vrai album que Rick Rubin a réalisé, c'était Ring and Blood. Ah ouais. Après ça, c'était plus Fiddleman. Ah ouais. Ouais. OK. Il dit plus ça allait, moins il était présent. Il dit l'année dernière, il était plus là pantoute. Non, mais c'est drôle parce que ça veut dire que. Quand tu regardes le CV de Rick Rubin, ça voudrait dire que il aurait été impliqué dans des albums qui sont devenus des succès hallucinants sans trop avoir de input, finalement. Juste le fait d'être autour du band, ça les a fait performer. Ouais, ouais. Écoute, j'avais vu tape dans le temps, VHS, l'enregistrement de Blood Sugar Sex Magik des Chili Peppers, puis il était là all the way, tu sais. Mais je pense qu'avec le temps, il a dû faire la même affaire avec les Chili Peppers. À un moment donné, bon, on est habitué de travailler ensemble. Là, travailler avec Fiddleman, puis moi, j'aimerais faire mon petit tour, puis je vais vous dire, OK, ça, c'est bon, ça, faites ça, tu sais. Je pense qu'il part une relation avec un band, puis après ça, ça reste le même. Puis tu sais, dans le fond, Corey Taylor, il a beau critiquer quand même le travail de Rick Rubin, parce que tu sais, sur l'album sur lequel il a travaillé, c'est Volume 3 de Subliminal Verse. C'est quand même un album, ça c'est un album paru en 2004. C'est quand même un album, à mon avis, qui a fait plusieurs bases de ce que Slipknot est devenu par après. Il est devenu, oui. Mais lui, Corey Taylor, il se vante de dire que, tu sais, comme il dit, Rick Rubin m'avait demandé de changer le refrain de Before I Forget, puis finalement j'ai toujours refusé. Puis finalement, tu vois, on a gagné un Grammy avec ce tune-là. J'avais raison. Ouais. Ouais. Mais là, il a changé d'avis. Là. Comme tu me disais, il a réalisé probablement que Rick Rubin avait le bras long. Puis... il a décidé, OK, là, je l'aime. Là. Ben là, c'est ça. Il s'est dit là, que il avait peut-être été rough avec, puis que finalement, il aimerait peut-être ça, t'sais, renouer avec le gars, puis s'excuser. Puis, tu sais, bon, là, correct. Hey, il travaillera avec sur le prochain Stone Sour. Ça ou leur prochain album, tu vois, ils viennent d'annoncer que. Au début de l'année, en 2017, février, ils commencent à composer. Ouais. Puis ils ont des projets quand même assez ambitieux avec le nouvel album. Je sais pas si t'as vu ça. Ben, j'ai juste vu qu'ils étaient commencé à travailler dessus, mais... Ouais, mais... Sean Cran, puis cette gang-là, il y aurait peut-être la vision de faire un album double. Ils voudraient faire leur The Wall. Oh, Chris. Puis là, il se dit crème, sky's the limit. On pourrait faire notre The Wall avec un film pis toute la patente, tu sais. Est-ce que ça marche, la synergologie? Eww, quelle mauvaise idée. Mais je me dis que, au moins, ce qui est pas pire, c'est qu'ils ont déjà le réalisateur, parce que Sean Cran, il réalise. Ouais, il est bon. Fait que déjà, en partant, il pourrait avoir une vision qui est quand même assez en ligne avec le band, tu sais. Ouais, ça c'est clair. Mais ces astuces d'ambition-là d'album d'homme... Non, s'il vous plaît. Mais au moins, je pense qu'un band comme Slipknot serait capable de faire un genre d'album comme The Wall. Et j'en doute. Mais honnêtement, là, j'aime ça, Slipknot. Je suis pas le plus grand fan de Slipknot. Mais j'ai rarement été capable d'écouter un album en entier là, sans arrêter de m'amener. Ouais, mais c'est ça. Moi, je pense qu'un format double comme The Wall... avec bien des interludes, puis différents enregistrements, puis parce que, tu sais, The Wall, c'est pas toutes des tunes, là, les tracks, là. Ouais, il y a beaucoup d'interludes, d'intermèdes. c'est dans ce temps-là que tu peux avoir un fil conducteur, avoir un album concept, raconter une histoire. Mais tu sais, là, chez nous, avec The Wall, The Wall, il dure 72 minutes. Ouais. T'sais, il n'est pas plus long que ça? Non. OK. C'est pas long, The Wall. Là. C'est pas un album qui est long. Tu sais, à l'époque, t'avais comme pas le choix de le mettre sur deux vinyles, on comprend. Même que la première édition en CD était un album double. Mais je pense que maintenant, ils se cassent même pas de basic. Je pense qu'ils le mettent sur un CD parce qu'il fit, tu sais. Ah ouais, hein? Mais en tout cas, il y aurait peut-être cette volonté-là qui disait Slipknot là, de peut-être faire quelque chose de... un album concept, vraiment quelque chose de très, très travaillé. Ça ferait pas de tort par rapport au dernier album. Tu vois, moi, le dernier album, je l'ai bien aimé, mais... Ouais, moi aussi. Je trouve pas non plus que ça a été... Mais c'est drôle, tu vois, j'ai jamais réécouté. Ouais, moi non plus. Faut dire qu'on soit tellement de stock aussi que... Mané, tu peux pas passer tout ton temps sur un album. Tu l'écoutes... Tu l'as assez écouté, faire ta critique, bon, t'as fait. Mais après ça, il rentre du stock. C'est débile, là, tu sais. C'est difficile de d'écouter tout. Donc, tu dois faire une sélection, mais quand même, tu peux pas passer trop de temps sur un album non plus, tu sais. Allez, imagine-toi donc, il y a Kerry King qui vient de dire en entrevue que lui, il a été offensé par l'étiquette punk de The Offspring et Green Day dans les années 90. Ouais, ben ça, c'est probablement les deux seuls bands punk de l'époque qu'il connaissait parce que lui, il était plus habitué au vieux punk des années 80. C'est ça qui l'offensait. Là, ça l'a. C'est ça qui l'offensait. Puis il dit que c'est le seul temps dans sa vie où il comprenait pas trop où ce que s'en allait la musique heavy. Tu sais, c'est les années 90, il trouvait ça bien tough. Ben, c'était une période difficile pour à peu près toutes les bands metal, on s'entend. Hein? Mais eux autres, ils avaient fait un album de cover qui était excellent, d'ailleurs. Ouais, Undisputed Attitude. Mais ce qui est drôle, puis ce que je trouve qui, dans un sens, il est épais, est-ce, parce que ça l'a tellement marqué qu'il dit qu'il a fait Undisputed Attitude. Il a dit à Jeff, Chris, man, on peut pas laisser ça aller de même. Est-ce, faut faire un album en réaction à Green Day et à The Offspring, fait qu'ils ont fait cet album-là. Qui n'était pas une mauvaise idée en soi. Il y avait la toune Gemini qui était comme une bonus, qui était excellente. Non, ouais, c'est ça. T'as des tounes là-dessus de. Tu sais, c'est des bandes, des reprises de Verbal Abuse, Minor Threat, DRI, Pap Smear, TOSL, The Stooges. Ben, écoute, Jeff Hanneman était un fan de punk fini. Ben oui, c'est ça. Puis il y a des grosses racines punk dans Slayer à la base, tu sais. Oui. Ça paraît là, dans le playing. Puis c'est le band metal, trash metal le plus punk, moi je trouve, tu sais. Oui, moi aussi. Ça paraît un peu moins maintenant, mais au début, il y avait une influence indéniable. Ben non, c'est clair. Fait que pauvre lui, si dans les années 90, il trouvait ça bien tough. Green Day, The Offspring, c'était bien populaire, mais tu sais, c'était punk rock, là. C'était du punk rock commercial. À l'os, puis il y en a eu plein des bands comme ça. Mais c'est vrai que c'était les débuts du pop punk. Ben oui, mais c'était pas des bands. C'était pas les bands punk que lui a écouté dans les années 70-80, c'était. Ah non, t'étais loin de Dead Kennedys, ça, tu sais. C'était pas la même affaire pantoute, là. Fait qu'il trouvait ça bien offensant, lui, que Green Day et The Offspring soient populaires. C'est l'étiquette punk qui était pas capable de digérer, je pense. Non, c'est ça, là. Je pense qu'il aurait été en crise aussi s'il avait eu la chance d'aller dans le futur puis écouter Repentless. Il aurait sûrement fait un album en réaction. Mais d'ailleurs, dans la même entrevue, il dit que après avoir fait Diabolus in Musica en 98, il est comme venu une illumination que Slayer, s'il s'en allait pas dans la bonne direction, tu sais. Ah ouais? Là, il fallait qu'il se ressaisisse, tu sais, puis qu'il a dit là, à Jeff puis à tout le monde, tu sais, que hey, c'est pas ça, là, faut se replacer, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'après ça, ils ont fait God Hates Us All en 2001. Pourtant, sérieusement, puis je te niaise pas, hein, à Job, à tout bout de champ, je me le mets à Diabolus, c'est une musical, je le trouve sur YouTube, bang! Je sais pas, je trouve qu'en travaillant, c'est un excellent album. Puis moi, je suis assez d'accord avec toi, puis je comprends pas pourquoi il y a une étiquette de New Metal qui traîne sur cet album-là. C'est pas un album New Metal, c'est-tu? c'est pas la toune. Il y a une toune que Tom Araya fait comme rapper un peu dedans. Ah, peut-être. C'est-tu In the Name of God ou. Maudit, je me rappelle plus du titre de la toune. Mais écoute, ça avait offensé du monde, mon gars. Une affaire terrible. Le monde pensait qu'il était devenu comme les nouveaux Rage Against the Machine quasiment. T'sais, ça avait aucun sens comme comparaison. Mais oui, il y avait une petite influence moderne. Diabolus, c'est une musica, là, à part les deux premiers albums, Show No Mercy puis Hell Awaits, c'est un album qui est vraiment différent des autres. Ouais, c'est quand même. C'est, moi, je te dirais que c'est comme le virage était peut-être aussi important que Chaos AD pour Sepultura. T'sais. Oui, c'est une bonne comparaison. Tu sais, c'était un peu plus simple, un peu plus lourd. Mais ça reste quand même un album métal, tu sais. Ça n'a pas été aussi profitable pour Slayer que Sepultura, malheureusement. Hey, t'étais allé, toi, voir Roots? Oui, monsieur. T'en, on n'avait pas parlé de ça encore, hein? Ben non, parce que la dernière fois qu'on a fait le podcast, je m'en allais voir ça, tu sais. Puis? Écoute, moi puis Bruno, on s'en allait là avec vraiment des grosses attentes. Là, parce que moi, j'ai pas vu le spectacle de la tournée de Roots, tu sais. OK. Il n'y a pas grand monde, d'ailleurs, qui ont vu ce spectacle-là parce qu'ils se sont séparés pas grand temps après, tu sais. Ouais. Puis j'avais des grosses attentes. J'étais bien, bien excité. J'avais bien hâte de voir ça. Puis je suis comme resté un peu sur ma faim, on dirait. On dirait que là, j'ai comme réalisé tout d'un coup que Max avait vraiment de la misère. Il est arrivé, mon gars, la première tune qu'il a faite, Roots, justement, c'était... Ouf! C'était pas facile, là, tu sais. J'en doute pas du tout. Il disait vraiment, là... Puis plus que le show avançait, puis plus qu'il était dedans. On dirait que ça lui a pris un bout à se réchauffer, puis il commençait à être plus dedans vers le milieu, puis plus vers la fin, tu sais. Mais au début, là, comme un vieux skidou, mon gars, là, il était dur à partir en crise. Ah ouais, puis il était pas chaud. Il y a du monde qui m'a dit qu'il était chaud, non? Ah, il était peut-être chaud, je sais pas trop, mais tu sais, premièrement, il est lourdeau en hostie, là, Écoute, c'est le meatloaf du métal, hein? Il se promène, tu sais, puis ce gars-là, man, il pourrait se mettre en shape bien plus que ça, là. T'sais, premièrement, s'il commencerait par se couper le petit pain qui est en arrière de la tête, mon gars, ça l'aiderait déjà en partant, là. Hey, dois-tu avoir des bébites là-dedans, toi, Chris? Chris, que ça doit être lourd à porter, mon gars. Il y a de la misère à... Il a la misère à se virer à la tête avec ça, c'ti. Ça n'a pas de crise d'allure, là. Vraiment, ça l'handicape au coton, c'ti. Je veux bien croire, tu sais, qu'à un moment donné, t'es dans une époque où tu te laisses pousser des dreads et tu trouves ça cool, mais il vient un stade où que. Chris, man, quand il se virait de dos là, pour regarder le drummer, là, t'avais l'impression, c'ti, que c'était une queue de castor qu'il avait en arrière de la tête, c'ti. Ouais, ben tu m'avais mis des photos, j'avais vu des photos, c'est vrai, c'est épais cette affaire-là. Hein. Calisse que c'est épais, man. Puis là, tu mets ça dans le contexte, là. Tu sais, premièrement, il a le droit d'avoir les cheveux qu'il veut, là. Tu sais, ça c'est bien correct, mais tu mets ça tout ensemble. Le gars a de la misère à bouger, de la misère à chanter, il fait de l'embonpoint. Tu dis, calisse, man, donne-toi un slack un peu, là. Tu sais, donne-toi une chance. Il y a plus grand-chose pour lui, là. Pis ben j'ai trouvé que c'est ça, l'expérience en général, il y a du monde qui était crispant dedans. Premièrement, les foufs c'était rempli, mon gars, il y avait du monde en hostie. Le monde était dedans, ça bougeait en masse. Moi je sais pas, man, je checkais ça pis j'étais comme ouais. Je me semble que c'était meilleur dans mon souvenir, tu sais. Ouais, là, il disait qu'il serait peut-être intéressé à faire un Rise. Ouais, j'ai vu ça. Mais le gros highlight de ce show-là. C'est vraiment le guitariste Mark Rizzo qui est avec Max depuis un bon bout. C'est un king, ça. Ça, c'est un nasty king. Premièrement, il était en shape, ce gars-là. C'était écœurant. Il est vraiment, là, il se présente à toutes les choses que je l'ai vues. Il était vraiment, vraiment en forme puis vraiment dedans. Ce gars-là, il sauve le show, là, vraiment. Là. C'était-tu le même bassman, celui qui portait le chandail de Boulevard Brutal dans le temps? Hein? Non, c'est plus lui. Non, il est plus... ça, c'est le... Ouais, lui, il est avec... Lui, il était avec Soulfly, mais... Il était avec Soulfly, mais il était pas dans ce projet-là. Non. Là c'était... son nom m'échappe, mais c'était un grand gars avec une crise de grosse barbe. Puis, il avait déjà joué avec... Je pense avec Cavalera Conspiracy. Ah, OK. Ouais. Fait que il faisait bien la job, là, tu sais, c'était correct. Je sais pas, on dirait que l'ensemble de la soirée m'a un peu laissé sur ma faim. J'ai comme. Je m'attendais à beaucoup plus que ça, on dirait. Drôle à dire. J'ai pensé à toi pendant le show, je me disais, ouais, hein, finalement, Steve avait peut-être raison. Moi, je me serais attendu à rien, peut-être j'aurais aimé ça. Ouais, c'est ça. Tu t'en vas là, tu t'attends à rien, finalement. Yes, tu capotes, Steve. Exact. Fait qu'écoute, ça conclut ce beau podcast, mon Steve. Des cours de clarinette où tu apprends à jouer la clarinette. Ah, incroyable. On est rendu à quoi, deux dans le même mois presque. Un beau podcast, short and sweet. On n'a pas fait des Metallica de nous autres. On n'a pas fait quelque chose de trop long. Non. Juste, on s'est édité juste aux bonnes places. On n'a même pas de réalisateur, tu sais. Fait que pour nous suivre, comme toujours, sur Twitter, @BoulevardBrutal, et pour suivre Steve, @StiveDallaire, avec un seul E, très important. Oui, c'est là que ça se passe. Je dis souvent Twitter, c'est sur José Metal, un lundi matin à 9h, that's the place to go. Ben oui, c'est arrivé sur Twitter un peu, ça manque un peu de métalleux, je trouve, sur Twitter. Tu sais, le matin, souvent, on est crinqué fourrède. Ah oui, puis... C'est le café, je sais pas trop. C'est le fun sur Twitter. Mm-hmm. Partez-vous un compte, là, vous mettez... mettez-vous au moins une photo, là, mais commencez pas à faire vos affaires avec un œuf, là, ça m'écœure. Mais il y en a plusieurs qui ont un compte Twitter quasiment rien pour nous autres, je te dis, pour voir qu'est-ce qu'on écrit ou tout ça. Danvers, entre autres, que je salue. Un de mes chums en Outaouais, que lui, il publie jamais rien. Mais il check ce qu'on fait. Ah ouais, hein? Il y a quelqu'un l'autre fois que j'ai vu sur Twitter, là, son nickname m'échappe, mais j'ai trouvé ça très bon. C'est quelqu'un qui, premièrement, a un compte vraiment. T'sais, son avatar, c'est genre. Je sais pas, là, une graine, genre qui rentre dans un vagin. Là. C'est quelque chose de très sexuel, puis il suit pas beaucoup de comptes. C'est tous des comptes, soit de porn star ou de choses sexuelles. Pis les deux outsiders, c'est Boulevard Brutal pis Steve Dallaire. Ça veut dire que le dude, il écoute le podcast. Il écoute le podcast. On dit salut si tu nous écoutes. Pis c'est ça, man. Il check du cul pis il check nos affaires. That's it. Bon vagin. J'ai trouvé ça excellent. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Yes. À la prochaine. Est-ce que ça marche, la synergologie? Shutdown in process.